Chapitre 42e. Brahim Boucharif s'était arrêté devant un petit restaurant terrasse. Si le ciel était bien bleu, en revanche, le mistral s'est élevé, et Dutilleul choisit de garder son pull. L'établissement n'était pas très grand, mais il était très bien tenu. Je sais bien que ce n'est pas tout à fait mérité, même que je regrette vraiment certaines choses, ce que j'ai pu être con. Mais au moins, je n'en suis pas arrivé au point de Malik. Les choses sérieuses n'avaient pas été longues à débuter. « C'est justement de lui que je voudrais vous parler, » dit Dutilleul sans détour. « J'ai pensé que vous pourriez mieux me renseigner que vos parents. » Pour la première fois, Brahim prit un air grave. « Vous avez bien fait. Ils sont suffisamment retournés comme ça. » Pourtant, cela devait arriver un jour. Il n'allait pas rester éternellement. Il ne s'est jamais plu ici. Je l'ai toujours su. Quand il a refusé la nationalité française, les parents auraient dû comprendre. Dutilleul considéra Brahim Boucharif avec surprise. « De quoi diable parlez-vous ? » Brahim Boucharif regarda d'abord Dutilleul avec effarement. Puis il sembla réaliser le peu de clarté de son propos. « C'est vrai, vous ne pouvez pas savoir. Je parle du cousin Hossine. »« Pardon ? Hossine n'était pas votre frère ? » ?»« J'ai toujours cru qu'il était le jumeau de Malik. » »« Pas du tout. » Même s'ils ont été élevés ensemble. Le fait qu'ils se ressemblent, du moins jusqu'à un certain âge, a facilité les choses. Mais en réalité, Hossine est le fils unique d'Ibdissem, la sœur de ma mère. Ne me demandez pas qui est l'aîné des deux, je ne l'ai jamais su. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il est né 15 jours après Malik, et qu'il a pris le bateau avec nous. Il était tout petit ange. Ibdissem a supplié ma mère de l'emmener avec elle. J'étais suffisamment grand pour m'en souvenir. Elle pleurait beaucoup, mais bon, il faut comprendre. Elle venait de perdre une de ses filles dans une coulée de boue. Même si j'étais jeune, j'ai compris qu'elle était désespérée. Mon père n'a fait aucun problème. Il lui a seulement demandé de bien réfléchir, car il ne serait sans doute pas en mesure de revenir avant plusieurs années. Ibtissen l'a assuré d'une voix ferme qu'elle supporterait la situation. Alors on a pris Hossine avec nous. Ma mère en a toujours pris le plus grand soin. Et il le lui a rendu dans une certaine mesure. Il a toujours très bien travaillé, et il se montrait toujours très poli, très obéissant. Ma mère lui a fait confiance très tôt. Pendant tout le discours de Brahim Boucharif, Dutilleul observait celui-ci avec attention. « C'est curieux, je ne vous sens pas très convaincu par ce que vous dites. Pourquoi était-il suspect à vos yeux ?» Brahim Boucharif regarda Dutilleul bien dans les yeux. « Toujours aussi fin renard à ce que je vois. Rien ne vous échappe. » Dutilleul sourit. « Vous ne pouvez pas nier que je possède une certaine expérience vous concernant. Qu'est-ce qui vous gênait tant chez Hossine ? Il était trop sage !» explosa Brahim Boucharif. « J'ai toujours eu le sentiment confus qu'il attendait son heure. Même s'il a toujours pris garde à ne rien en montrer, je suis sûr qu'au fond de lui, il nous détestait, même si je n'en comprenais pas la raison. » Je pense qu'il a développé une haine particulièrement tenace vis-à-vis de Malik alors même que celui-ci le portait littéralement au nu. Hossine représentait tout ce que Malik aurait voulu être. Il travaillait bien à l'école, ne faisant jamais de bêtises, toujours raisonnable, d'humeur égale. Malik a toujours été un grand naïf. Je savais que je devais particulièrement veiller sur lui car à l'intérieur c'était un cœur d'artichaut. Hossine, lui, c'était autre chose. C'était un vrai dur. Qui avait décidé, une bonne fois pour toutes, de ne jamais se plaindre. Une véritable anguille, qui savait toujours parfaitement mener sa barque, très intelligent. Sur ce plan-là, Malik ne pouvait rivaliser. Je dois reconnaître qu'Hossine n'a jamais déçu mes parents. Il a passé tous ses diplômes au la main. Il les a toujours aidés. Je sais qu'il respectait sincèrement mon père. Il ne lui a jamais mal parlé, et mon père se confiait beaucoup plus à lui qu'à nous, car il le trouvait plus mûr. Il lui parlait d'homme à homme. Vous en éprouviez un peu de jalousie ? Pas vraiment. Je n'étais pas souvent là, mais je n'avais pas Hossine à la bonne pour autant. Avec moi, il était toujours fuyant. Je crois qu'il sentait parfaitement que je n'étais pas dupe. Pourquoi n'avez-vous pas été surpris quand il a refusé la nationalité française ? Vous n'allez sans doute pas me croire, mais il ne s'est jamais considéré comme nous. Contrairement à ce que pensaient mes parents, ce n'était pas parce que le pays lui manquait, il n'a jamais demandé à s'y rendre. Les moyens des parents étaient certes modestes, mais si vraiment il l'avait voulu, il lui aurait payé le billet de grand cœur. Non, Je pense surtout qu'il avait décidé très tôt qu'il n'était pas de notre monde. Si je vous ai bien compris, il se considérait au-dessus. Évidemment. A-t-il gardé des liens avec sa mère au pays? Pas le moindre. C'est pour cela que j'ai eu du mal à comprendre ce désir si soudain de rentrer au bled. Parce qu'il a fini par rentrer en Algérie? Oui. Et c'est ça qui bouleverse toujours autant les parents aujourd'hui. Comprenez, pour eux, ça a été un peu comme une trahison. Il en avait le droit, bien sûr, mais de là à partir si vite. Une alarme s'alluma immédiatement dans l'esprit de Dutilleul. Il ne savait pas pourquoi, au juste, si ce n'est qu'il sentait confusément qu'il y avait là un élément très important à exploiter. Brahim Boucharif n'en poursuivait pas moins. « Je sais que mon père a payé le passage sur le bateau, mais la mort dans l'âme. En voulez-vous, Aoussine ?» Bien difficile de répondre. En fait, je ne sais pas. Bien sûr, si vraiment il ne voulait pas rester en France, il a bien fait de rentrer. Mais d'un autre côté, il a beaucoup fait souffrir ma mère. Elle l'a toujours tellement aimé. Elle en était si fière. Dutilleul tente alors une autre explication. « Votre tante a peut-être fini par réclamer son retour ?»« Iptissem, certainement pas. Ma mère nous a toujours dit que derrière son sourire enjôleur, elle pouvait se montrer d'une détermination sans faille. Elle savait parfaitement qu'elle avait fait le meilleur choix pour son fils. Vous savez, les conditions de vie ne se sont guère améliorées en Algérie. Il suffit de voir le nombre d'enfants qui continuent à périr dans des coulées de boue. Les taudis n'ont pas disparu. Au contraire, ils ne cessent de s'étendre. Le retour d'Ossine au pays avait peut-être une raison humanitaire. Qu'a-t-il fait comme étude? Du droit. Pas la voie la plus facile, mais il s'est accroché. Pardonnez-moi, mais dans le microcosme parisien, son origine n'a pas dû être un avantage. C'est vrai, il a galéré pour trouver des stages. Mais heureusement, tous les cabinets d'avocats ne sont pas tous à mettre dans le même panier. Bien sûr, comme tout le monde, il a eu son lot de dossiers à photocopier, mais curieusement, ça n'a pas duré très longtemps. Ses employeurs ont découvert qu'il possédait une mémoire absolument incroyable pour mémoriser les textes de loi. Assez vite, il est parvenu à prendre une part de plus en plus active dans les affaires. Il n'était pas encore habilité à plaider, mais il était reconnu sur la place pour préparer les dossiers comme personne. Du coup, il est devenu de plus en plus courtisé, et c'est comme cela qu'il a pu quitter la cité pour un studio. Jolie réussite. Sur ce plan-là, effectivement, il n'y a rien à dire. Je pense qu'il n'aura aucune difficulté à s'établir en Algérie. Dutilleul choisit de ne pas poursuivre la conversation pendant le repas. La salade de tomates, toute simple, se révéla succulente et les pizzas étaient également délicieuses. Brahim Boucharif se détendit en parlant de ses enfants. Il fit beaucoup rire Dutilleul en racontant de savoureuses anecdotes sur son fils. Visiblement, au niveau des bêtises, le petit avait hérité de l'imagination de son père et celui-ci avait beaucoup de mal à le réprimander. Il laissait généralement faire sa femme qui connaissait cette faiblesse précise de son mari. Vanessa Boucharif semblait posséder un solide bon sens. Elle était très douce, mais ne se laissait pas faire pour autant. Le dessert était une simple salade d'orange qui concluait merveilleusement le repas. Dutilleul devait reconnaître qu'il avait très bien mangé. Il fit la connaissance de Marius qui vint les saluer. Le service avait été rapide, permettant à Dutilleul de reprendre la conversation interrompue un peu plus tôt. Saviez-vous que Malik avait une petite amie? Je m'en doutais, même s'il n'a pas eu le temps de me la présenter. À ce que j'ai pu voir dans les journaux, elle était vraiment canon. Pauvre Malik. Je crois bien que cette fois, il était vraiment mordu. Si seulement il n'avait pas déconné avec ce maudit scooter. Vous êtes au courant? Bien évidemment. Je l'ai passé un de ses savons quand il s'est fait coincer. Avoir mis un pétard, le juge Fouchard n'était vraiment pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Parce que celui-là était vraiment plutôt chouette, habituellement. Votre frère m'a raconté qu'il avait eu quelques ennuis avant d'être arrêté. Vous pouvez m'en dire plus? Ah ça, j'aimerais bien. Mais je n'ai pas réussi à coincer le salopard qui a répandu de sales bruits sur le compte de Malik. Comprenez, Dutilleul, je suis bien placé pour savoir que mon frère n'est pas un saint. Mais de là à l'accuser de se payer sur la bête, il y a un pas que je ne franchirai jamais. Trafiquer, d'accord. Voler ses frères, non. Il n'a jamais demandé la plus grosse part du butin. Même si c'est lui qui prenait le plus de risques. Il disait que cela faisait partie du jeu, et il était content. Il s'est fait courser plusieurs fois, mais les... vous êtes rarement parvenu à l'attraper. Dutilleul eut alors un grand sourire. Il était sensible aux efforts que faisait Brahim pour châtier son langage. C'est vrai que le bougre possédait une bonne pointe de vitesse. Vous n'avez donc pas réussi à prendre le fin mot de l'histoire? Non. Et pourtant, ce n'est pas faux d'avoir essayé. Malik s'est bel et bien fait piéger, et cette fois, je n'étais plus dans le secteur pour veiller sur lui. Vous l'avez vu à sa sortie de prison? Oui, mais très rapidement. Je vous jure, du tilleul, je ne l'ai jamais vu aussi brisé. Cette fille l'aimait vraiment. Saviez-vous qu'elle allait être très riche? Je l'ai su après. Et pour répondre par avance à la question que vous n'allez pas manquer de me poser, oui, je pense que mon frère ne devait pas être totalement insensible à cet état de fait, même si je ne l'approuve pas. Quand on aime vraiment, on ne doit pas prendre ce genre d'éléments en considération. Les parents de Vanessa tirent peut-être le diable par la queue, mais je m'en moque totalement, parce que j'ai les trois plus belles choses du monde, deux beaux enfants et la femme qui me les a donnés. Je me fous du reste. Je suis prêt à me battre comme le taurillon que j'étais pour préserver cela. Si Malik n'a pas l'âme suffisamment pure pour comprendre cela, tant pis pour lui. S'il n'a pas su arrêter les conneries à temps, c'est son problème. Bien sûr, je suis triste qu'il soit en zonzon. Mais peut-être y est-il à sa place. Si vous n'êtes pas capable de changer un moment, il faut pas rêver, vous n'y arriverez jamais. Maintenant, c'est trop tard pour Malik. Ne comptez pas sur moi pour verser une larme sur lui. Il n'a eu que ce qu'il mérite, et ne croyez pas qu'il ne sait pas ce que je pense. Je le soutiens parce que c'est mon frère. Je lui fais un paquet de temps en temps, mais ça ne va pas plus loin. Pas question d'aller le voir à Fleury. Cette fille était certainement sa plus belle chance. Il lui a préféré les charmes d'un scooter à la direction tordue. Libre à lui. Maintenant, il assume. Qui était au courant de sa relation avec Marion Chardy? Difficile à dire. Malik n'a jamais su se montrer très discret. Il est possible qu'il se soit vanté, puis, quand il a une fille dans la peau, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Pensez-vous qu'il en ait parlé à la famille? Les parents? Certainement pas. Vous comprenez, même s'ils essayaient de se montrer ouverts, il y a des mentalités qui pèsent lourd. Je pense qu'ils auraient tiqué s'ils avaient su que Malik fréquentait une Française. Il semble avoir accepté votre femme. Moi, c'est différent. Pour eux, c'était presque inespéré. Ils sont si contents de me savoir ranger des voitures qu'ils étaient prêts à tout accepter. La distance a fait le reste.